Il a été vu pour la dernière fois à bord du nouveau Hyundai Tucson en train de faire un test drive. Michel, si tu nous écoutes, tu nous ramènes le Tucson, s'il te plaît ? Merci. Le nouveau Hyundai Tucson, ça va être dur de nous le rendre après l'avoir testé. Découvrez cet SUV impressionnant ainsi que toute la gamme chez votre distributeur Hyundai lors des journées portes ouvertes du 9 au 17 septembre inclus. Hyundai, new thinking, new possibilities. Le 8-9 commence maintenant avec Benjamin Maréchal. Salut tout le monde, la journée démarre bien, je me fais déjà engueuler par Cathy, Madame Cinéma, parce que je dis pas bien son nom. Mais ça fait 10 ans que vous me connaissez, que vous prononcez mal mon nom de famille. Cathy Immelen, comment vous dites ? Non, Immelen. Dieu. Ah, comment vous dites Christophe Grand? J'y arrive jamais non plus, j'avoue. Mais non, la Cathy, on l'appelle la Cathy. Ouais, parce que E-N au bout, c'est quand même N, parce que N, c'est A-I-N-E. Eh ben oui, non, regardez comme Sarah de Padua, je dis pas Sarah de Padua. Vous voyez ce que je veux dire, hein, Jérôme, comment vous dites? Alors ça, c'est pas le bon exemple. Non, je pense que là, vous... Non. Non, c'est en le disant, je me suis dit, mon ami, tu aurais dû tourner ta langue. De Warze, de Warz. Non, il y a six E à la fin. De Warzeï. Ben, donc comment on dit chez vous? Immelen. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. De Nicolas Hart, le météo d'aujourd'hui. Eh bien, nous allons aujourd'hui connaître une journée, finalement, pour moi, de chômage technique, puisqu'il n'y aura pas de nuages dans le ciel. Le ciel qui sera complètement dégagé, plein soleil. On attend 23 à 26 ou 27 degrés pour les maxima. Il y a quelques brumes qui se dissipent actuellement. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire pour cette journée. Le vent sera faible de sud-est. Demain, on aura toujours assez bien de soleil et on gagnera 1 à 2 degrés supplémentaires par rapport aujourd'hui. Il est 8h et à la une de l'actualité ce matin, les étudiants incorrigibles par rapport à leur consommation d'alcool. Une nouvelle étude de l'UCL montre d'ailleurs que les jeunes boivent beaucoup et de plus en plus tôt. Le pic de consommation, le moment où les étudiants consomment le plus, s'est décalé là où le pic était en bac 2, bac 3 il y a 5 ans. Il est maintenant en bac 1. Et l'idée qui est derrière ça, c'est que les étudiants pratiquent de plus en plus des consommations excessives avant l'entrée à l'université. Alors, que faire face à ce fléau? Il y a des pistes de solutions. Catherine Tonnerreau nous les expliquera. Le difficile retour à la vie normale après les attentats de Bruxelles. L'ex-basketteur Stéphane Belin, grièvement blessé le 22 mars, est retourné à l'aéroport de Bruxelles. Nous étions avec lui. Le virus Zika risque de prendre de plus en plus d'ampleur. L'Organisation mondiale de la santé lance de nouvelles recommandations pour éviter d'attraper la maladie. Les supporters des Diables Rouges rassurés. La Belgique remporte son premier match de qualification à la Coupe du Monde. 0-3 hier soir à Chypre. Et puis le dernier film de François Ozon au cinéma, Franz, un drame romantique avec Pierre Niney qui nous en parlera. L'UCL publie donc une deuxième étude sur la consommation d'alcool chez les étudiants et elle est au moins aussi interpellante que la première. Oui, 5 ans après la première enquête, l'université a sondé 4500 étudiants. Résultat, un étudiant sur deux a une consommation à risque et de plus en plus tôt. Pierre Morage, l'auteur de l'étude. En 5 ans, la consommation est restée stable. Elle n'a ni augmenté ni diminué. Par contre, ce qu'on observe, c'est que le pic de consommation, le moment où les étudiants consomment le plus, s'est décalé de plus en plus tôt, là où le pic était en bac 2, bac 3 il y a 5 ans. Il est maintenant en bac 1. Et l'idée qui est derrière ça, c'est que les étudiants pratiquent de plus en plus des consommations excessives avant l'entrée à l'université, en 5e, 6e secondaire. Et donc le pic est atteint plus tôt, au début du cycle universitaire, avec 50% qui ont des consommations à risque. Voilà pour le constat. Voyons maintenant les remèdes possibles à la consommation excessive d'alcool chez les jeunes. Bon, on ne va pas être moralisateur, on a tous été étudiants, on a tous guindaillé, mais il y a quand même intérêt à limiter sa consommation car les risques sont importants, Catherine Tonnerreau. Et ce constat, pour vous en convaincre, l'alcool est la première cause de décès chez les 15-24 ans. Il y a les conséquences que l'on connaît sur la santé physique, psychologique. Il y a aussi l'impact sur les études, évidemment. Le fameux binge drinking, l'ivresse rapide affecte, c'est démontré, la mémoire, la concentration, avec aussi des effets durables sur le cerveau. Les étudiants qui consomment trop d'alcool en conviennent eux-mêmes, ils mettent en péril leur parcours universitaire. Et comment faire pour boire moins, Catherine ? Eh bien, il faut pouvoir s'imposer une certaine discipline et ne pas céder à la pression sociale, car ce que l'étude de l'UCL montre aussi, c'est que les étudiants ont tendance à surestimer la consommation d'alcool de leurs camarades. Du coup, ils boivent davantage, ils histoire d'être dans la norme. L'UCL voudrait aussi obliger à proposer de l'eau gratuite et des softs en soirée pour permettre aux fêtards d'alterner hein, et éviter la déshydratation et les lendemains de veille difficiles. L'UCL prépare en fait un plan d'action de sensibilisation des étudiants et qui passera aussi par le port de t-shirts jaunes en soirée. Écoutez Anne-Sophie Mazurel du service d'aide aux étudiants. Lors de chaque soirée, quelqu'un doit à chaque moment de la nuit porter un t-shirt jaune. Le t-shirt jaune s'engage à être sobre et c'est celui qui est garant pour que la soirée se passe bien. S'il y a un conflit, si l'ambiance chauffe un peu, il peut appeler le gardiennage. S'il y a un accident, c'est lui qui peut appeler le gardiennage qui appelle l'ambulance. Voilà, c'est une des actions concrètes de ce plan que lance donc l'UCL pour réduire ici les risques des soirées étudiantes trop arrosées. Merci Catherine Tonnerot, un dossier préparé avec l'aide de Jean-Claude Hénuit. À propos des étudiants encore, on se dirige de plus en plus vers un examen d'entrée en médecine à la place du concours en fin de première année. C'est ce que nous apprend la Libre Belgique ce matin. Les ministres Jean-Claude Marcourt et Maggy de Blocq seraient d'accord sur le principe, mais Jean-Claude Marcourt souhaiterait davantage de numéros INAMI pour les futurs médecins francophones. Une demande qui reste compliquée à faire accepter du côté flamand. Dans l'enseignement secondaire, tous les élèves sont à présent rentrés en classe, mais la rentrée a pris du temps. Comme chaque année, elle s'est étalée sur plusieurs jours. Certains élèves sont rentrés dès le 1er septembre, d'autres hier seulement. Alors comment expliquer ces différences? La ministre de l'Éducation, Marie-Martine Schins, explique quelles sont les règles. Toutes les écoles doivent respecter un nombre de jours global sur l'ensemble de l'année scolaire, mais chaque école, chaque directeur est libre d'organiser son début et sa fin d'année comme il le souhaite, en fonction parfois d'examens de fin d'année, d'examens de passage. Et ça, c'est évidemment le côté réglementaire. Maintenant, je sais aussi que beaucoup d'écoles insistent pour avoir un accueil privilégié année par année. Et donc, beaucoup d'écoles font rentrer les premières le 1er septembre. Et puis, progressivement, les deuxièmes, les troisièmes rentrent avec des moments vraiment dédicacés où le directeur peut être présent à chaque fois pour rappeler le projet pédagogique de l'école, les valeurs de vivre ensemble, les règles. Et donc là, je pense que c'est réellement une plus-value et c'est laisser à l'autonomie de l'école de pouvoir rentrer avec une flexibilité en début d'année. Marie-Martine Chine s'interrogeait par Miguel Allo. Ça fait bientôt 6 mois depuis les attentats de Bruxelles. Les blessés des explosions tentent difficilement parfois de reprendre une vie normale. Et c'est le cas du basketteur Stéphane Bellin, grièvement blessé à l'aéroport de Zaventem. Après 6 opérations et des mois de revalidation aux États-Unis, Sébastien Bellin est de retour en Belgique. Nous l'avons attendu à l'aéroport. Un retour sur les lieux de la tragédie difficile pour lui, mais qu'il estimait nécessaire pour se reconstruire. C'est très émotionnel d'être ici dans le lieu où ma vie a changé, hein, pour, pas seulement moi, mais beaucoup d'autres. C'est pas facile, mais c'est une étape qu'il faut franchir. J'ai souvent dit que ce que j'ai vu, c'était aussi une motivation, puisque j'avais des gens morts à côté de moi, j'avais des membres qui étaient à côté, juste à côté. Et aussi, j'ai réalisé que j'aurais pu être une de ces personnes-là. Et ces choses-là, c'est du positif, mais c'est aussi dur à faire face. Au fur et à mesure que physiquement, on se guérit, ben, mentalement, c'est très difficile. C'est là où ça commence vraiment, les images, les émotions. Ici, on est au hall des arrivées. Ça s'est passé juste au-dessus. En fait, là, vous n'allez pas monter aujourd'hui. Je ne crois pas. Je crois que c'est étape par étape. Je crois que c'est un peu trop dur pour moi d'aller au-dessus, hein, de voir l'endroit. Et aujourd'hui, c'est déjà une grande étape. Et demain, ce sera une autre. Sébastien Bellin, rescapé de l'attentat à l'aéroport de Bruxelles, rencontré par Sophie Mergen et Dominique Burge. Première rencontre glaciale hier entre syndicats et direction belge du groupe Caterpillar. La direction ne comprend pas pourquoi la production n'a pas repris normalement lundi sur le site de Gosselies. Le CEDCA a préféré quitter la réunion en parlant de manque d'humanité. Dans ce contexte, pas d'avancée dans les discussions ni sur l'agenda des prochaines réunions. Les syndicats ont eu par contre la confirmation que c'est bien avec la direction locale de Gosselies qu'ils négocieront et pas avec un émissaire américain dont il a été un moment question. Dans le monde, le Portugal peine à éteindre les incendies de forêt. Les feux ont même redoublé d'intensité. Deux hameaux encerclés par les flammes ont dû être évacués hier après-midi dans le parc national de Penada-Guerres dans le nord. Plusieurs habitants ont dû être soignés pour des problèmes respiratoires. 3800 pompiers sont mobilisés à travers le Portugal pour combattre les incendies. Et puis le virus Zika qui est plus menaçant que jamais. Le virus est notamment à l'origine de malformations chez les nourrissons. Ils naissent avec un cerveau trop petit. Rien qu'au Brésil, 1,5 million de personnes sont déjà infectées. 2,6 milliards à travers le monde. Et le Zika pourrait se propager davantage. À tel point que l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, propose de nouvelles recommandations, Julien Geffredo. Oui, jusqu'à présent, il était demandé aux personnes qui ont été infectées de se protéger sexuellement, c'est-à-dire d'utiliser des préservatifs ou bien de s'abstenir pendant 6 mois. Et bien maintenant, cette recommandation est étendue à toute personne qui revient de zones affectées par le virus, donc essentiellement de l'Amérique du Sud, mais également d'Afrique de l'Ouest ou d'Asie du Sud-Est. Et cela, même si elle ne présente aucun symptôme, 6 mois au lieu de 8 semaines, comme il était demandé auparavant. Des consignes plus strictes donc, à mesure qu'on apprend davantage sur le virus, comment il se propage, mais aussi où il subsiste. Et justement, selon une étude américaine, Zika pourrait utiliser les yeux comme réservoir. Ces conclusions permettraient d'abord d'expliquer pourquoi certaines personnes infectées souffrent de troubles oculaires, certaines deviennent même aveugles. Et cette étude fait également craindre que l'on puisse être contaminé au contact des larmes, en fait. Merci Julien Geffredo. Il est 8h09 et c'est le 8h09 Sport avec les Diables Rouges qui ont retrouvé l'envie. La Belgique a gagné 0-3 à Chypre hier soir. C'était le premier match de qualification pour la Coupe du Monde de 2018 et les Belges n'ont pas manqué leur rendez-vous. Un rendez-vous très attendu par les supporters belges, très critique à l'égard des joueurs après la défaite la semaine dernière face à l'Espagne. Hier à Chypre, les Diables se sont montrés engagés et sérieux, comme le souligne le capitaine belge Eden Hazard. Ouais, on a fait un match solide. On a concédé une occasion, voire deux en première mi-temps. Après, deuxième mi-temps, on a géré, on a marqué 3 buts. On aurait pu en marquer plus. Comparé au match de l'année dernière qui a été très compliqué, c'était un match différent et on a été solide. Donc voilà, une bonne réponse à ceux qui nous ont critiqués. Donc ça fait du bien. On espère continuer comme ça. Eden Hazard au micro de Manuel Jousse. On l'entend, les joueurs sont satisfaits. Est-ce que ça veut dire, François Zaleski, que la sauce Martinez a pris cette fois-ci? Alors, c'est bien sûr un petit peu tôt pour le dire, même si pour continuer la comparaison, on va dire qu'après une mayonnaise complètement passée et ratée face à l'Espagne, le nouvel entraîneur des Diables Rouges a cette fois proposé une sauce un petit peu plus épicée, en gardant bien sûr les ingrédients qui avaient permis à la Belgique d'atteindre un jour le niveau, le plus haut niveau du classement mondial. Mais il a marqué quand même les esprits, Roberto Martinez, en essayant de jouer avec une défense à 3, ce que Mark Wilmots n'avait jamais osé faire, lui, avec les Diables Rouges, ce qui veut dire aussi que Roberto Martinez a voulu renforcer l'entrejeu. Il a voulu amener plus de ballons dans le grand rectangle, ce qui a permis à Romelu Lukaku, son ancien protégé, d'inscrire 2 buts. Et ça aussi, c'est important de redonner confiance aux joueurs. Mais finalement, le meilleur bilan à tirer du match d'hier, c'est Roberto Martinez qui le fait lui-même au micro d'Hervé Gilbert. D'un point de vue chiffre, 3 points, c'est un départ parfait. D'un point de vue performance, c'est un bon départ. Et d'un point de vue attitude, envie, volonté d'être une équipe, c'est un départ parfait également. Et puis, quand on regarde les supporters, ils ont donné de la voix pendant 90 minutes. C'était un soutien formidable. Donc, je suis vraiment content. Tout le monde rentre chez soi heureux et prêt à répondre au prochain appel. Le prochain appel, ce sera dans 1 mois tout pile, puisque la Belgique recevra la Bosnie à Bruxelles, des fameux clients, puisque les Bosniens se sont imposés 5-0 hier face à l'Estonie. La Grèce a, elle, gagné 1-4 contre Gibraltar. Et dans les autres groupes, 2 surprises hier, le match nul de la France au Bélarus 0-0 et surtout la défaite du Portugal, récent champion d'Europe. Les Portugais privés de Ronaldo se sont inclinés 2-0 en Suisse. En tennis, Novak Djokovic s'est rapidement qualifié pour les demi-finales de l'US Open à la suite de l'abandon de Joe Wilfried Tsonga, touché au genou, le numéro 1 mondial qui retrouvera un autre Français en demi-finale, Gaël Monfils, vainqueur en 3 manches de son compatriote Lucas Pouille. Chez les dames, retour en grâce de la Danoise Caroline Wozniacki qui a rejoint l'Allemande Angélique Kerber en demi-finale. En basket, 3e match de l'équipe nationale belge dans sa campagne qualificative pour l'Euro de 2017. Après 2 victoires probantes, les Belgian Lions affrontent l'Islande à 20h à Anvers. L'Islande qui est l'autre favori du groupe et c'est donc un match important. Et puis la ville de Rio va à nouveau vivre au rythme des Jeux. Les Jeux Olympiques se sont achevés il y a 17 jours, mais dès ce soir, ce sont les Jeux Paralympiques qui prennent le relais. 4300 athlètes handicapés moteurs, dont 29 Belges, vont participer à ces Jeux. La cérémonie d'ouverture ce soir à suivre à 22h50 en télé sur la 2 et sur Internet sur le site Ovio. Et puis au cinéma, nous sommes mercredi, c'est le retour de François Ozon, mais une nouvelle fois là où on ne l'attend pas. Bah, c'est vrai qu'il adore expérimenter de nouveaux genres, hein, François Ozon, de nouveaux genres cinématographiques pour le réalisateur de 8 femmes, de Potiche et de Jeune et Jolie, le thriller, il l'a essayé, la comédie aussi, la comédie musicale. Et aujourd'hui, avec le film Franz, François Ozon tente le drame d'époque en noir et blanc. L'histoire se déroule après la Première Guerre mondiale. Un jeune soldat français rescapé se rend en Allemagne afin de rencontrer la famille de Franz, un soldat allemand qui, lui, n'a pas survécu à la guerre. Il semble avoir bien connu ce Franz, mais les circonstances de leur amitié sont assez floues et c'est là tout le mystère du film. En tête d'affiche, Pierre Niney, le jeune acteur français qui monte depuis qu'il a été césarisé pour son rôle de Yves Saint-Laurent. Pierre Niney qui nous parle de l'histoire de Franz, une histoire qui multiplie les fausses pistes et les rebondissements. Effectivement, il ne faut pas gâcher le mystère du film, comme une bonne série américaine, quoi. Il ne faut pas se spoiler avant de la voir. On en a beaucoup parlé avec François, de à quel point il fallait révéler, à quel point il fallait mettre sur des fausses pistes aussi. Parce que le film ment beaucoup, comme les personnages mentent dans le film. Il y a une mise en abîme du mensonge qui est très intéressante. On sent qu'il porte un secret, c'est ce que le spectateur va essayer de deviner. C'est un film qui met le spectateur en participation, parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de possibilités. Moi, c'est ce que j'aime avec ce film. Je ne peux pas dire que Franz soit purement un film romantique. Il utilise des ressorts du thriller. C'est un film aussi un peu politique. Moi, j'aime ça, j'aime ce mélange-là. Pierre Niney à l'affiche de Franz. Alors, c'est encore un bon film de François Ozon, Cathy ? C'est un très beau film. C'est vraiment classique dans sa mise en image, mais très surprenant au niveau du scénario. C'est un film romantique, politique, mystérieux, c'est un thriller psychologique, c'est plein de genres en même temps, c'est extrêmement réussi. Mmh. Et bravo à Pierre Niney qui ne parlait pas un mot d'allemand avant le tournage et qui se débrouille parfaitement. Très ah, du nur du allein, so ça n'est pas si compliqué. Königin, ja, vous dites, parlez un peu allemand? Good. Non, pas du tout, Helmut Lotti. Du bist guten Tag. Du allein, Solstedt macht meine Königin sein. Bon, tout à l'heure, notre invité, c'est le groupe Cocoon. On les a plus vus depuis longtemps. Eh bien, le gars, Marc du groupe, revient sans la fille Morgane avec un album dont on connaît le single, I Can Wait. C'est tout frais, c'est tout léger, le clip est un dessin animé. Cocoon est dans le 8-9 tout à l'heure, mais dans l'immédiat, il est 8h15, Cactus. Et vous revenez, Jérôme, sur la bonne performance des Diables hier soir à Chypre, mais aussi sur le limogeage de l'entraîneur du Standard. Mais oui, bonjour, une Woensdag, Ferreira Le Marlen, Yannick Buiten. L'entraîneur du Standard a été licencié hier après 5 journées. Précisons viré, car licencié après 5 journées, c'est un peu le lot hebdomadaire de tous les profs dans l'enseignement. Une situation difficile pour le coach liégeois, identique à celle des travailleurs de nombreuses grosses boîtes industrielles de ce pays. Tu bosses, tu acceptes tout, mais tu sais très bien que quoi que tu fasses à un moment. Mmh. Le Standard qui prenait certes l'eau, même l'orchestre ne jouait plus. Yannick Ferreira n'aura pas usurpé son surnom de Titianic. Sport avec ballon. Je t'inspirais. C'est un bel hommage. Vous trouvez, oui. Sport avec ballon, toujours, les Diables Rouges entamaient hier soir leur qualification pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Qualification ou éliminatoire, tout dépend de votre optimisme sémantique. De la même manière qu'en radio, certains parlent de chiffres d'audience, d'autres, que nous ne nommerons pas car nous n'aimons pas railler nos voisins de couloir, de constat de non-écoute. La Coupe du Monde 2018, un événement rare, exceptionnel même, ce sera sans doute la première fois que l'équipe russe se qualifiera pour un tournoi majeur sans se doper. Il faut quand même le signaler. La Belgique a été versée dans un groupe comprenant la Bosnie, la Grèce, l'Estonie, Chypre et Gibraltar, un club de Détroit. Loin de moi l'idée de minimiser la performance d'hier soir, mais au niveau belge, c'est un peu comme si Anderlecht était versé dans une poule comprenant des équipes issues du Sillon sans Brémeuse, d'un chef-lieu sous-provincial, de la moitié d'une commune à facilité et de Charleroi. Je veux dire, je laisse aux experts. Oui, vous êtes moins inspiré là. Oui, le soin de décider à quelle équipe je faisais référence analogiquement, Gibraltar ou la Grèce, par exemple. Pour nos Diables, on ne pourra donc pas parler ici de groupe de la mort, mais de groupe où l'on va s'emmerder à mort. Grosse prestation hier soir d'un team qu'on nous décrit régulièrement comme notre team matinal. Bonne organisation d'ensemble, hein, une cohésion collective

9h30, les cours commencent. Les écoles, peu importe le réseau, ont donc une certaine flexibilité dans l'organisation de l'année et donc de la rentrée. Cela s'explique par un nombre autorisé de jours pouvant servir aux évaluations et aux conseils de classe. Elles ont aussi un quota de jours de cours à donner. Marie-Martine Schins, ministre de l'Éducation. Toutes les écoles doivent respecter le nombre de 182 jours, qui est un nombre global sur l'année. Mais chaque école, chaque directeur, est libre d'organiser son début et sa fin d'année comme il le souhaite, en fonction parfois d'examens de fin d'année, d'examens de passage. Certaines écoles optent aussi pour une rentrée progressive, année par année. Cela permet par exemple d'expliquer dans le détail le projet pédagogique. Au final, vous l'aurez compris, tous les étudiants bénéficieront d'un nombre égal de jours de cours, et cela peu importe l'école. Et on parlera évidemment de la rentrée scolaire, mais aussi de la rentrée politique à Bruxelles avec l'invité de BX1 ce midi. C'est le ministre-président de la région, le socialiste Rudy Verwoerd, qui sera face à Jean-Jacques Deleu. Rendez-vous donc en télé vers 12h45. Des habitants bientôt logés dans l'étage d'une ancienne église. Ça se passe à Watermael-Boisfort. L'église Saint-Hubert, à deux pas de la place Wiener, a trouvé acquéreur. Le propriétaire et la commune a accepté l'offre d'une société immobilière un peu plus d'un million d'euros. De quoi aussi se débarrasser d'un édifice en mauvais état pour les élus, puisque la nef était inaccessible en raison de risques de chute de pierre. Mais l'église, elle, ne va pas disparaître, elle sera aménagée en logement donc, mais pas seulement. Écoutez les explications de Benoît Tillmans, l'échevin du logement de Watermael-Boisfort. Elle va être achetée pour d'abord être conservée dans sa quasi-intégralité, à part quelques petites modifications mineures pour mieux l'habiter, mais elle est affectée à du logement aux étages, à des espaces tertiaires ou d'activités culturelles au rez-de-chaussée, et un lieu de culte qui sera maintenu sur une surface de 350 mètres carrés à peu près. Alors il n'y a pas de projet tout à fait défini aujourd'hui, mais on parle d'une quarantaine de logements. La rénovation complète du bâtiment, c'est entre 4 et 5 millions, c'était chiffré en 2011, c'est trop important pour la commune. Et donc, tôt ou tard, il faut absolument que ce bâtiment soit entre les mains d'un acquéreur qui a la capacité financière de rénover le bâtiment. Une interview de Jérôme Durand. Et puis un restaurant gastronomique, lui, serait dans l'illégalité du côté du Petit Sablon à Bruxelles. Rien à voir avec la nourriture servie, c'est la rénovation du Senza Nome qui pose problème. Une rénovation qui a été réalisée sans permis, alors que ce permis était nécessaire parce que le lieu a changé d'affectation et que sa façade a changé d'allure dans le quartier très protégé du Sablon. Mais les gérants du restaurant ont aujourd'hui introduit une demande de régularisation auprès de la ville de Bruxelles. Et puis une idée de sortie originale pour finir ce journal. Connaissez-vous les crayons? Il s'agit en fait d'artistes qui ont créé des personnages originaux, justement sous forme de crayons. Alors on les retrouve un peu partout aux quatre coins de Bruxelles, sur des murs notamment. Mais pendant quelques jours, ils s'exposent également, et pas n'importe où, dans un ancien commerce bien connu des habitants des Marolles, l'ancienne quincaillerie Aussifleur, rue des Tanneurs, un magasin centenaire fermé il y a peu. Geoffroy Fabré a visité cette expo très originale. Reportage. Il y a des vrais lapins. De véritables lapins dans une pièce avec de l'herbe au sol et tout un paysage peint au mur. C'est l'une des nombreuses pièces de l'exposition des crayons. Une exposition qui, pour les plus petits, peut se visiter comme une attraction de fête foraine. Ce papa est venu avec ses deux fils. Ils cherchent tous les crayons dans la ville, donc ça c'est toujours agréable. Je trouve ça plein d'originalité et c'est très très chouette. Le cadre choisi par les crayons se prête bien, une visite libre. Il s'agit d'une ancienne quincaillerie bien connue à Bruxelles. Certains visiteurs redécouvrent d'ailleurs les lieux à l'occasion de cette expo. L'ancien bâtiment où je suis passé pour acheter quelques objets pour mes clients. Quoi. Ça a changé. En fait, la structure du bâtiment, pas tellement en tant que telle, mais le restant, très chouette en tout cas. Les crayons ont investi les lieux, toutes les pièces, les moindres recoins du bâtiment servent de support. C'est une véritable plongée dans le monde magique des crayons. On les voit souvent plic-ploc, ces crayons dans la ville. Et là maintenant, on est vraiment... Mais dans sa maison, on dirait vraiment. Bon, il y a un côté très BD, il y a un côté très ludique, comme ça, donc on s'amuse. Et puis tout d'un coup, il y a des instants comme ça, picturalement. Oh, il peint sur tous les supports, tableaux, sur des boîtes, au sol, à voir, quoi. Et l'expo s'intitule « Quelque part », elle est gratuite et se trouve donc rue des Tanneurs. Toutes les infos, c'est sur la page Facebook de l'événement. Vous tapez « Quelque part ». Et toutes ces infos sont évidemment à retrouver sur le web, sur notre site web www.rtbf.be/info. Vous cliquez sur l'onglet « Région et Bruxelles » et vous aurez tout cela également en images. Tout de suite, le retour de Benjamin Maréchal et du 8-9. Belle journée à tous. À 9h, c'est vous qui le dites, et trois débats sur la table. Ceux qui achètent légumes et fruits directement chez le producteur via un groupe d'achat sont dans le collimateur de l'AFSCA. Du noir, du transport bonne franc enquête, des points d'enlèvement pirate. Vous êtes dans le collimateur. Ensuite, le PS Magnette jure qu'il va récupérer le site de Caterpillar. Le PTB de Beau veut le réquisitionner. Et le MR Chastel déposséder la direction. Est-ce que c'est crédible ou c'est dangereux? Et puis l'étude du ciel qui frappe. Un étudiant sur quatre dit être ivre au moins une fois par semaine. Mais si ça nuit pas à ses résultats, est-ce que c'est grave? Marion Jomot, standard ouvert. Le standard est ouvert et avec Zoé Boss, nous décrochons vos appels au 070-233-466 ou par SMS au 3063 50 cents par message. N'oubliez pas non plus la page Facebook de C'est vous qui le dites. Les sujets sont déjà dessus, le débat a déjà commencé. Et on rejoint Serge, notre motard d'Europe Assistance. Alors, je vous rappelle qu'il n'y a plus de soucis à Louvain. Il y avait un accident tout à l'heure sur la E40 avec de longues files venant de Liège, mais également venant du Limbourg. Tout ça s'est résorbé, c'est terminé. À ma connaissance, il n'y a plus d'accident nulle part, là, pour l'instant. Des files habituelles, un peu plus denses que d'habitude sur la E429 entre Lembeek et Halle. Et alors, patience, si vous devez vous rendre à Groenendaal en venant de la U par la Nationale 275 à cause du chantier. Patience également, si vous devez passer devant l'ULB, avenue Franklin Roosevelt, car il y a ce gros chantier qui va durer tout le mois de septembre. Merci Serge, à tout à l'heure. On signale aussi des ralentissements dans le tunnel cinquantenaire au tunnel Loye et dans les tunnels Riers vers le centre et du tunnel Porte de Halle au tunnel Porte de Namur dans la liaison du tunnel Stéphanie vers la Basilique et aussi ralentissement dans le tunnel Léopold II en direction de la gare du Midi. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Bonjour Olivier. Oh yeah. Portes ouvertes chez Peugeot Olivier, c'est samedi 10 et dimanche 11 septembre, avec l'offre 50-50, 50% de remise sur toutes les options et de super conditions sur toute la gamme. Venez aussi découvrir toutes nos nouveautés. Peugeot Olivier à Waterloo et maintenant aussi à Tubize. Vive à Bruxelles et la 3 présente L'île au trésor dans une adaptation de Thierry Janssen. Après les 3 mousquetaires, revivez une aventure extraordinaire. Un trésor, des pirates, un bateau et des personnages hauts en couleur pour toute la famille à partir de 5 ans. À voir jusqu'au 23 octobre au Théâtre Royal du Parc. 02 505 30 30 ou théâtreduparc.be avec la Libre Belgique. Mais chérie, mais ça fait déjà 5 fois que tu rates la sortie. Tu le fais exprès ou quoi? Mais non, pas du tout. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advance Comfort avec navigation connectée et pack lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Bienvenue dans ce cours de langue porcine pour les fermiers. D'après une étude, il apparaît que les éleveurs ne comprennent pas le langage des porcelets. C'est pourquoi nous leur apprenons aujourd'hui 3 expressions. La première... veut dire « je me sens bien ». La suivante veut dire « j'adore ». Et enfin, la plus difficile veut dire « arrêtez de me castrer, c'est insupportable ». Malheureusement, beaucoup trop d'éleveurs ne le comprennent toujours pas. Aidez-nous à faire interdire légalement la douloureuse castration des porcelets. Rejoignez-nous sur gaia.be. Bon, je ne sais pas quoi faire avec cet article passionnant que j'ai imprimé ce matin au bureau. Épuisée par du shopping, elle appelle une ambulance pour la ramener chez elle. N'est-ce pas une délicieuse initiative? C'est en Angleterre. Je vous le remets, Sarah, quand vous ferez du shopping. J'en fais quasi jamais, donc ça risque pas de m'arriver. Eh ben, c'est l'occasion. Shopping en ligne, moi. Une chopeuse. Shopping en ligne. Ah ouais, non, alors l'ambulance ne servira à rien. Pas pour les doigts. Donnez-nous le nom d'un film dégueulasse tout à l'heure. Dégueulasse. Un film bon alors? Ah, bah, qui sort cette semaine, oui. Vous voulez dire? Ah, bah, vous êtes la pensée. Les codes ont changé. Oui, je me disais dégueulasse dans l'absolu, oui, mais bon. Non, qui sort aujourd'hui? Ah, qui sort aujourd'hui, il y a Nocturama de Bertrand Bonello. Passionnant, mais un sujet pas très rigolo. C'est sûr? Des attentats. Ah, ok, bah, c'est de circonstances, évidemment. Vous savez qu'on en a parlé dans C'est vous qui le dites l'autre jour avec les frères Dardenne qui ont fait marche arrière. Ils voulaient faire un film là-dessus, ils font marche arrière. Notre invité ce matin, 8h41, c'est un grand retour. Est-ce que vous vous souvenez à l'époque du groupe Cocoon? Il y avait Marc dans le groupe et il y avait la femme, Morgane. C'était ça, Cocoon. Enfin, c'était pas que ça. C'était pas que ça. Et ben voilà que Cocoon revient. Il n'y a plus la fille, mais il y a toujours l'homme. Marc Daumail est en ligne avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour, Benjamin. Qu'est-ce que vous avez fait de la femme? Qu'est-ce qu'elle est devenue, Morgane? Elle n'est pas sur le nouvel album. Elle n'est pas dans votre cave, en petits morceaux. Je me suis mis aux hommes. Ah, ah bah, ce coming out, non, tout non, en votre honneur. Non, non, en fait, en effet, c'est la première fois d'ailleurs dans l'album, dans un album de Cocoon que j'enregistre avec un homme, c'est pour ça que je disais ça. Mais sinon, non, Morgane, pour revenir à des choses sérieuses, était indisponible pour cet album. Veuillez rappeler ultérieurement. C'est ça, et vous avez laissé un message. Bon, alors, l'album s'appelle voilà. Welcome Home, le single tourne sur Viva et s'appelle I Can Wait. Comme toujours dans chaque histoire, il y a un déclencheur dans l'histoire. Vous devenez papa, sauf que votre fils est hospitalisé. Et c'est à l'hôpital que vous allez penser tous les titres. Ça veut dire que c'est connoté un peu nostalgique et inquiet ? Alors voilà, tout à fait. L'hôpital a servi de point de départ. Enfin, disons un événement voilà, un peu tragique, un peu triste. Alors bien sûr, aujourd'hui, il va très bien. Mais sinon, je n'aurais pas fait de cet album. Mais c'était à la fois pour le souhaiter bienvenue à mon fils, pour... J'avais envie de parler également de famille, j'avais envie de parler de moi en tant que père, de moi en tant que fils, de moi en tant que petit-fils, et de génération. Enfin, tout l'album parle de famille. Et non, non, justement, l'hôpital étant un lieu pas très rigolo, notamment un hôpital pour enfants, j'ai voulu amener plutôt de la lumière, de la joie. C'est pour ça que, comme I Can't Wait, les chansons sont pour la plupart beaucoup plus enlevées, beaucoup plus énergiques et joyeuses que d'habitude. Mais vous avez travaillé à la guitare dans la maternité, dans le service de néonates. Vous étiez là à la guitare avec des compositions un peu acoustiques entre deux infirmières qui passaient ? Voilà, tout à fait. Bah, j'avais besoin... Quand on a vu que tout allait mieux, j'ai commencé à amener ma guitare, j'ai demandé, et ils étaient en effet ravis que j'amène un instrument de musique. Enfin, dans les hôpitaux, ils sont toujours demandeurs de ce genre de choses. Il y a souvent des musiciens qui viennent jouer, etc. C'est quand même un privilège. T'es en néonate, tu vois tous les enfants parfois en difficulté, et t'as un gars de Cocoon qui compose des chansons autour des enfants. C'est quand même un fameux privilège. Alors le petit, il a quel âge aujourd'hui ? Il a 2 ans aujourd'hui. Il ressemble plus à vous ou plus à madame ? Disons que c'est un mélange. Oui, tant mieux. Non, mais il est adorable. Il est adorable. Et puis le disque, il l'aime beaucoup, il l'écoute beaucoup. Et puis voilà, je suis content qu'il soit sorti et que ça soit un moment, une page tournée, quoi, voilà. Ah, je suis content que vous me disiez que c'est un mélange. Vous m'auriez dit, il est noir, j'aurais eu quand même un petit moment d'interrogation. Alors, il y a chaque fois un thème dans vos albums, l'accident d'avion, le voyage en baleine, le retour à la maison. Le voyage en baleine, celui-là, je l'ai loupé dans les albums. C'était quoi comme thème, ça, le voyage en baleine ? C'était le second album, ça, c'était un voyage à la Jules Verne, de deux personnes. À dos de baleine volante. Donc, faut pas me demander ce que je fumais à l'époque. Mais... Ah non, classique, moi je ne m'en étonne pas. Classique, totalement non, banal. Non, voilà, c'est un voyage disons, un parcours initiatique de deux personnes qui. Parce qu'en fait, avant Cocoon, moi j'avais jamais vraiment bougé de chez moi. Moi je viens du centre de la France, de Clermont-Ferrand. Et Cocoon, ça m'a permis de voyager dans le monde entier. Et j'aurais jamais pu voir tout ce que j'ai vu sans Cocoon, et j'avais envie de raconter ça dans le deuxième album, voilà. Il y a quelque chose de très artistique dans celui-ci, Welcome Home. On en a vu, vous irez voir sur internet, le clip de I Can Wait, qui est un genre de dessin animé, mais vous avez illustré chacune des chansons avec un dessin tableau. Il y a une dimension artistique dans le truc. En effet, j'ai contacté une peintre qui s'appelle Esther Pearl Watson, qui est une peintre américaine, qui a mon âge et qui a la particularité de peindre des maisons. Et justement, vu que je voulais partir sur l'idée de foyer, d'abri, je lui ai demandé de dessiner une maison par chanson ou un bâtiment par chanson. Donc justement, elle a peint un hôpital, elle a peint une église, l'endroit où je me suis marié, elle a peint la pochette de l'album, qui est une maison basique américaine. Voilà, et du coup, elle m'a envoyé une douzaine de tableaux. Et j'ai trouvé ça cool, en plus, que ce soit une femme qui les dessine, parce que vu que l'album est assez masculin, vu que je parle beaucoup de paternité, etc., je trouvais ça cool de rajouter une touche féminine quand même. Ouais, puis ça donne un petit côté enfantin aussi aux chansons, ça libère un peu, ça apaise un peu. Alors tranchons cette question, parce qu'il y a polémique en interne. Donc vous êtes Cocoon, vous êtes Marc, mais vous êtes Marc Domail, vous êtes Marc Domail, vous êtes Marc Domail. La deuxième, Domail. Domail, ben vous voyez qu'il y avait polémique en interne sur la bonne prononciation. On sera ravis de vous accueillir en Belgique. Ça, c'est depuis que je suis enfant. Ah bah c'est toujours comme ça. Vous vivez à Bordeaux encore ou plus ? Bah là je suis à Bordeaux en voiture, je m'apprête à prendre un train pour Paris. Vous avez un kit main libre ? Intense en ce moment. Vous avez un kit main libre ? Non, c'est mon épouse qui conduit. Très bien, on sait tout. Coucou. Il a un kit main libre. Voilà. En fait. Merci Marc Domaille, bonne journée, à bientôt. Salut. Merci, bonne journée. Salut. Ciao, ciao, ciao. On raccroche, on raccroche, on raccroche. Il a l'air cool, ce gars. Oui. Quelle belle histoire, en plus. Ouais. L'histoire est belle. Ouais. Et les chansons sont fraîches et légères. Oui, ouais, ouais, à voir avec les enfants. Tout à l'heure, quand on rentre de l'école, welcome, Internet. Welcome home. Mm-hmm. Et vous irez voir I Can Wait, c'est comme un dessin animé. Dans un instant, qui a dit ? L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Seconde vie à vos vieilles chaussures. Apportez-les jusqu'au 18 septembre chez Brentano. Vous recevrez pour chaque paire un bon de réduction de 12,50€ et vous soutiendrez une bonne cause. Brentano. Info et magasin ouvert ce dimanche, brentano.be. Win for Life, c'est 2000€ par mois à vie. De quoi partir si souvent à Marbella que tu en oublierais parfois que tu es juste en Belgique. Bonjour monsieur. Hola señor. Alors, cuatro pistoleros y dos gozetas con pomas, por favor. Mais vous pouvez parler en français monsieur, hein, pas de problème. Alors ça, pour un hasard, c'est un hasard. Faut que je tombe sur un boulanger belge à la Costa del Sol. Ça fait longtemps que vous êtes installé ici. Joue à Win for Life dans ton point de vente, online ou sur mobile. Win for Life, du fun for life. Vous avez entendu ça? Ce sont les journées colossales chez Colishop, avec des réductions énormes jusqu'à moins 50% sur les ustensiles de cuisine, les casseroles et une foule d'autres articles. Jusqu'au 11 septembre sur colishop.be. Nouveau, l'offre week-end de La Libre. Consultez chaque jour La Libre en numérique et le samedi, retrouvez-la en version papier dans votre boîte, accompagnée des suppléments La Libre Entreprise et le Quid. L'offre week-end de La Libre. En septembre, offre de lancement exceptionnelle à 12,99€ par mois. Info et abonnement sur lalibre.be. Offre soumise à condition. La Libre, faisons vivre l'info. Mon magasin de Reusbrook, je vous propose tout pour embellir votre intérieur et je pose gratuitement tapis et vinyle à partir de 9,99€ le mètre carré. 9,99€ le mètre carré. Voir conditions en magasin. Le 8-9. Et nous sommes à Peupinster ce matin. Bonjour Guillaume. Bonjour, bonjour. Vous savez jouer de la guitare ? Non. Vous aimez la bière ? Oui, plutôt. Je crains la troisième question. Non, j'en ai pas. Je guitare et bière. Ça fait le rapport avec la guitare. Qu'est-ce qu'il y a comme question inintéressante aussi? C'est quoi la couleur de votre voiture? Mais encore. Ah, vous voyez que c'est pas évident. Non, il a plus envie de jouer, Guillaume. Il veut jouer au Kikadi, Benjamin. Alors, comme ça, monsieur veut parler d'un truc intéressant. Eh ben, ok, allons-y. Alors, c'est le Kikadi. Guillaume, il y a un cadeau à la clé. Vous pourrez demander l'aide d'une seule personne autour de la table. Un cadeau et un mot imposé à Jean-Luc Fong pour le live de vendredi. Kikadi, j'ai eu honte de la télé quand je l'ai quittée. Kikadi, j'ai eu honte de la télé quand je l'ai quittée. Soit c'est Julien Lepers qui a dit ça en quittant Question pour un champion. Soit c'est Alain Simon qui a dit ça en quittant Qui veut gagner des millions. Soit c'est Virginie Efira qui a dit ça en quittant Megamix à l'époque. Vous pouvez demander l'aide de Cathy, Jérôme ou Sarah Guillaume. Vous voulez qui ? Cathy, s'il vous plaît. Cathy. Attention, je porte malheur. Je fais perdre tous les gens qui jouent avec moi. Jamais personne n'a gagné avec Cathy. Alors que moi, je savais, Guillaume. Moi, oui, je sais, mais oui, n'oubliez pas, c'est le jeu. C'est le jeu. Cathy. Alors, je ne pense pas que ce soit Virginie Efira parce qu'elle ne crache absolument pas dans la soupe de la télévision. Moi, je dirais Julien Lepers parce que ça ne s'est pas très bien passé avec France 3. Mais je ne suis pas sûre du tout. Et... Guillaume, vous êtes libre de choisir ou de dire autre chose. Non, je veux lui faire confiance. La malédiction se poursuit. C'est une erreur. C'était Virginie Efira. Mais enfin, elle n'a jamais dit ça. Mais dans la dernière. Si on a bien une qui ne crache pas dans la soupe, mais c'était. Mais enfin. Mais oui. Alors Guillaume, si vous devez un jour jouer au loto, ne touchez jamais Cathy Imolen. Vous devez partir. Imolen, on vous l'a déjà dit. Mais vous voyez qu'elle a pas de chance. On sait même pas dire son nom. Je suis désolée. Mais elle fait perdre la Belgique entière, Benjamin. Guillaume, je garde. C'est vrai, je garde le jeu de cartes Viva qui vous était pourtant promis. Pas plus mal. Et je ne mens pas. Bravo, Cathy. Ah, je ne mens pas, je garde le jeton de Cathy, Viva. Quoi ? C'était un must. Je te jure, c'est sur ma feuille. Ah, vous êtes verni. Est-ce qu'à la fin de la saison, moi, je pourrais avoir un des cadeaux que j'aurais fait perdre aux gens quand même ? Bon sang, non. Je vais gagner des sous à Viva. Bon sang, non. Guillaume, quel est le mot que vous imposez à Jean-Luc ? Un élastique. Élastique, c'est ça? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Parce que... Mais qu'est-ce que vous nous emmerdez ouais. avec vos questions? Écoutez, enfin, merci pour ce moment, mais nous allons y mettre fin. Oui. Bonne journée, Guillaume. Fort retiré. Salut, Guillaume. Salut, Guillaume. Bon. Bien sûr. Bon, vous inquiétez pas, il n'y a pas de rancune et de rancœur avec Cathy qui, dans un instant, donnera les sorties cinéma de cette semaine, à moins qu'elle ne se trompe, puisqu'elle n'a pas de bol. Vivacité présente 500 échoppes, marché aux fleurs, concours d'animaux, brocante et braderie, concert de Mister Cover. L'ambiance sera à la fête ce 13 septembre au marché annuel d'Anderlecht, place de la Vaillance et alentour. Invité exceptionnel de cette 191e édition, la Grande Roue de Paris pour découvrir Anderlecht autrement. Ce 13 septembre, c'est la fête Anderlecht. Et pour toi, qui a le meilleur prix? Le meilleur prix? Avec le choix, la qualité et les conseils du spécialiste compris. C'est chez Big Mat, bien entendu. Alors, cette semaine, ne ratez pas leur folder de promo dans votre boîte aux lettres et sur bigmat.be. Big Mat, bien plus que des matériaux. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi! Instagram, ouvre-toi! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthénamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthénamut, on vous simplifie la santé. Et si les entrepreneurs wallons bénéficiaient de plus d'un milliard d'euros pour leur crédit? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Dis papa, c'est quoi un droit de veto? Ah, imagine. Si tu demandes à un vétérinaire de faire du bouche à bouche à notre bulldog, il peut dire ah non, ça je le fais pas. C'est le droit de veto. Enfin, je veux dire du veto. Voilà, tu comprends? Comprendre l'actu, c'est plus simple avec le JDE. Le JDE, le seul journal d'actualité pour les 9-13 ans. Maintenant avec version numérique offerte. Conditions spéciales sur le JDE.be. Jusqu'à 9h, le 8-9. Question d'intérêt général. Yvan Mayer préconise l'installation d'un nouveau parking place de l'Isère. Comment le nommeriez-vous? Alors, référence de chanson, Albert de Médeux nous propose le parking des anges, parce que l'avoine, c'est pour les ânes. Non. Oh. Dans le parking des anges. Merci. Jean-Michel Biltres, Isère, heure d'ouverture 14-18, ce sera la guerre pour trouver une place. Oh, c'est très bon. C'est très bon. La Quig, fin des charters chinois à l'aéroport de Liège. Quel serait votre proverbe illustrant cet état? Oui, il faut le chinoiser un peu, hein, votre proverbe. Oui, c'est AIQ. AIQ-isé, comme dit les Japonais. Herman Van Rompuy. Bon, répondez sur la page Facebook du 8-9, évidemment. C'est là que ça se passe. Il est 8h55. Retournons au cinéma, Cathy. On se redit un petit mot sur le nouveau François Ozon, qui s'appelle donc France, sur la Première Guerre mondiale. Oui, alors François Ozon, c'est un grand cinéaste qui nous fait des films très différents à chaque fois. On a eu Potiche, on a eu Huit Femmes, on a eu Swimming Pool, du drame, du thriller, de la comédie musicale. Ici, parfois il nous un peu fait... cochon. Parfois, puis il a quelques petites obsessions, pardon. On se souvient de Jeune et Jolie sur une jeune femme qui prenait du plaisir à se prostituer. Ici, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus classique. Ça se déroule à la fin de la Première Guerre mondiale. Et c'est le rapport entre un jeune soldat français rescapé et la famille d'un soldat allemand. Il y a du mensonge, il y a du mystère. Et le film nous ment à nous aussi en tant que spectateurs. C'est-à-dire qu'on pense aller dans une direction et on part vers autre chose. Un peu comme les bouquins. C'est bien. Oui, ça passe beaucoup avec les bouquins. Exactement. Ouais. C'est inattendu, c'est extrêmement classique d'apparence. C'est en noir et blanc, on a des beaux costumes. Mais en même temps, c'est très fin, subtil, original. Moi, j'aime beaucoup, mais on ne se tape pas sur la cuisse en allant voir ce film. Mais j'ai envie de sauver aussi... Pas toujours rigoler, ma bonne dame. Bah, oui, il y a Pierre Niney qui est quand même l'acteur français, le jeune acteur du moment. Il avait reçu un César pour son incarnation d'Yves Saint-Laurent. On va le voir bientôt dans la peau du fils de Cousteau. Donc c'est le type à ne pas louper. Il est excellent. Voyons si on peut rire avec le remake que vous avez peut-être vu à l'époque en 1959, le Charlton Heston Ben-Hur. Ben voilà que Ben-Hur revient. Eh oui, mais pourquoi? C'est surtout la grande question. Pourquoi nous faire ça? Surtout que c'est signé par le réalisateur d'Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Oui. Donc je pense que déjà, on est dans une certaine catégorie de films. Alors, j'ai pas trouvé que c'était mauvais. Je serais pas aussi méchante que toute la presse. Alors, le film a été le flop de l'été aux États-Unis. Personne n'a été le voir. Évidemment, on touche pas à un classique comme Ben Hur. Ce qui est gênant dans le film, c'est que Ben Hur, à l'époque, quand même, le premier film a 11 Oscars, hors record. Il a été dépassé par Titanic depuis. Donc, c'est vraiment un grand classique. C'est que Ben Hur, c'était des décors. Alors, certes, c'était du carton pâte, mais on en prenait plein les yeux. C'était novateur. 4 heures. Les plans étaient longs, magnifiques, impressionnants. Ici, nous, c'est que des images de synthèse. Et on est habitué maintenant aux images de synthèse. Donc, il n'y a plus cette nouveauté. Et ils ont voulu filmer à la manière moderne. Des plans découpés, des gros plans, tout va très vite. Mais on n'a plus cette tension dramatique qui monte. Et puis, l'acteur principal totalement inconnu n'a pas le charisme de Charlton Heston. Je sauve quand même quelques scènes d'action assez prenantes, assez incroyables. Mais je vous conseille de revoir l'original parce qu'ici, il y a des drôles de trucs avec Jésus aussi, ils ont rajouté beaucoup de religions. Ah oui, c'est bizarre. Je voudrais quand même l'avis du spécialiste humour autour de la table dans la dernière heure, donc à propos du nouveau Ben Hur. Jérôme. Le titre dans la dernière heure, c'est Arrête ton char. Évidemment, oui. Évidemment. Trois petits points à Ben Hur. Facile. Mais il y a un moment très très drôle quand même parce qu'il y a Morgan Freeman dans le film. On lui a collé des espèces de rasta blanches comme ça. Je pleurais de rire, mais je pense que c'était pas le but. Donc elle a aimé. Un mot rapide, Cathy, sur Nocturama lié aux attentats. Le film, alors lié aux attentats, oui, non, c'est le film choc de la semaine qui a été écrit avant les attentats de Paris. Et c'est un suspense sur des jeunes qui préparent une nuit de terreur à Paris. On n'est pas du tout dans le registre du djihadisme. Ce sont des jeunes gauchistes désemparés en lutte contre le pouvoir et l'argent en France. Et le film est totalement mystérieux parce que pendant une heure, on ne nous explique pas ce qui se passe. On a juste des jeunes qui partent en métro, qui prennent une arme, qui font des codes sur des portes. Et on ne sait pas ce qui se passe. C'est un montage fascinant. C'est un film, c'est de l'esbrouf. C'est magnifique. Mais je pense que les gens n'ont pas forcément envie d'aller voir ça au cinéma, tout simplement. Et je comprends. C'est du cinéma d'auteur, c'est pointu, mais c'est d'une maestria terrible. Oh, c'est d'une maestria terrible. Et bourrifante. Ça donne des idées, moi. Et bourrifante. Je vous signale que hier, dans C'est vous qui le dites, un de nos débatteurs a cité Spinoza. Cette chaîne de radio est en train, dans les références verbales... Mais j'allais le dire. Mais je vous en prie. Spinoza, arrière droit du FC Barcelone, d'ailleurs. Oui, c'est lui qui hésitait. Je n'ai que 10 euros. Franz, Ben Hur ou Nocturama? Ah, Franz, du bon cinéma français, intelligent. Et Pierre Ninet! Merci, madame. Bonne journée. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profiter des dernières technologies. Ce Pilot Assist de série dans la nouvelle Volvo S90, par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. C'est samedi et dimanche chez votre distributeur Volvo. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Ferez-vous cette météo de Denis avec maestria? Car désormais nous élevons un peu le niveau de vocabulaire. Et tout à fait, le ciel sera serein et nous ne sommes pas quelques cirrus ou quelques brumes matinales qui vont nous embêter aujourd'hui, ni nous esbaudir. Non, on va se réjouir d'une journée ensoleillée, estivale, un ciel bleu et des températures de 23 à 27 degrés. Demain, on devra encore gagner 1 ou 2 degrés de plus avec quelques nuages d'altitude. Ce sera la journée la plus chaude de la semaine. Vendredi, la masse d'air change légèrement, il fera un petit peu moins chaud, 20 à 23 ou 24 degrés, et puis on repart vers un temps plus lourd samedi avec possibilité de quelques coups de tonnerre dans le lointain. Survivre, il est 9h. Le journal, Nathalie Servet, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et cette mauvaise nouvelle pour l'aéroport de Liège-Biarritz. Oui, le 30 septembre, c'est terminé. Il n'y aura plus de charter qui amène les touristes chinois en Belgique via l'aéroport liégeois. Le tour opérateur qui vend ses voyages et la compagnie aérienne qui assure le transport ont mis fin à leur collaboration, ce qui explique la suppression des vols. Une suppression que les responsables de l'aéroport